L'islamisme, d'après le Coran par Monsieur Garcin de Tassy. Passage de la Sainte Bible qui, d'après l'opinion des docteurs musulmans, se rapporte à Mahomet ou à sa mission. 1. Dieu dit à Abraham, « Je t'ai aussi exaucé touchant Ismaël, je le bénirai, et je lui donnerai une postérité très grande et très nombreuse. 12 princes sortiront de lui, et je le rendrai le chef d'un grand peuple. » Genèse 17, 20. Des musulmans pensent que ces 12 princes dont il est ici parlé sont les 12 imams par excellence, c'est-à-dire Ali, ses deux fils Hassan et Hussein, et 9 autres princes descendants de Hussein, qui ont eu un droit plus réel et plus légitime que les califes omiyades et abbassides. 2. Le Seigneur dit à Moïse, « Je leur susciterai, du milieu de leurs frères, un prophète semblable à toi, je lui mettrai mes paroles dans la bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Deutéronome 18, 18. On sait que les Arabes descendent d'Ismaël, frère d'Isaac. 3. Moïse avant sa mort, dit, « Le Seigneur est venu de Sinaï, il s'est levé sur nous de Séir, il apparut sur le mont Pharan. » Deutéronome 33, 2. Ceci désigne évidemment, disent les musulmans, le Pentateuque donné sur le mont Sinaï, l'Évangile sur le mont Séir et le Coran sur le Pharan, nom générique de toutes les montagnes qui enveloppent la Mecque. 4. Voici ce que le Seigneur m'a dit, va poser une sentinelle qui vienne te dire tout ce qu'elle verra. Et la sentinelle vit un chariot conduit par deux hommes, monté, l'un sur un âne, Jésus-Christ, et l'autre sur un chameau, Mahomet. Ésaïe 21, 6, 7. 5. Voici mon serviteur dont je prendrai la défense, voici mon élu dans lequel mon âme a mis toute son affection, je répandrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Je t'ai envoyé pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aux aveugles. Ceux qui mettent leur confiance en des images taillées retourneront en arrière, ils seront couverts de confusion, ceux qui disent à des images de fonte, « Vous êtes nos dieux ». Ésaïe 42, 1, 7, 17, et tout le chapitre. 6. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra avec sa robe teinte, qui éclate dans la beauté de ses vêtements, et qui marche avec une force toute puissante? C'est moi dont la parole est la parole de justice, qui vient pour défendre et pour sauver. J'ai foulé aux pieds les peuples dans ma fureur. J'ai renversé leur force par terre. Ésaïe 63, 1, 6, etc. 7. Je vis comme le Fils de l'homme, qui venait avec les nuées du ciel et qui s'avançait jusqu'à l'Ancien des Jours. Ils le présentèrent devant lui, et il lui donna la puissance, l'honneur et le royaume, et ce royaume ne sera jamais détruit. Daniel 7, 13, 14. Allusion, selon les musulmans, à la prétendue ascension au ciel de Mahomet. 8. Dieu viendra du côté du Midi, et le sein de la montagne de Pharan, c'est-à-dire la Mecque. Habacuc 3, 3, etc. 9. Ceux qui n'étaient venus que vers la sixième heure s'étant approchés, les premiers, reçurent chacun un denier. Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Matthieu 20. Les musulmans appliquent à Mahomet cette parabole des ouvriers. Ils disent que leur prophète est représenté par les derniers. 10. Je prierai mon Père, et il vous donnera un autre consolateur. Jean 14, 16 et 15, 26. Au lieu de Paraclitos, demandez, les musulmans lisent dans ces deux passages Périclitos, investi, mot qui, comme Mahomet, Mohamed, signifie illustre, recommandable, etc. Le même changement orthographique se trouve dans l'évangile apocryphe de Saint Barnabé. 11. Il vous est utile que je m'en aille, parce que, si je ne m'en vais point, le Consolateur ne viendra point à vous. Il vous enseignera toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 7, 13, etc. 12. Aussitôt il sortit un autre cheval qui était noir, roux couleur de feu, et le pouvoir fut donné, à celui qui était monté dessus, d'enlever la paix de dessus de la terre, et de faire que les hommes s'entretuassent, et on lui donna une grande épée. Apocalypse 6, 4. Markem Dan Archivorg 2021 d'après Gallica BNF FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.